Jean Bosco, Douimane. Bonjour, Séraphine Erkizimana assure la mise en onde de cette édition dont voici les grandes articulations. Nous sommes le 30 novembre 2016. Un nouveau projet de loi portant organisation de la police burundaise est sous analyse ce mercredi à l'Assemblée nationale. Nous aurons des précisions avec notre reporter qui suit de près ces débats pour nous là-bas. Elle sera en ligne dès le début de ce journal. Et l'Union européenne dénonce l'attentat meurtrier qui a failli coûter la vie à Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence de la République du Burundi, et rappelle que toute violence politique, quelles qu'en soient les auteurs et les formes, est inacceptable. Des habitants de certains quartiers de Lumonge accuse la police de traîner dans ses investigations pour identifier qui dessine des croix sur leur maison. Nous appellerons notre correspondant. Une vieille femme de 90 ans a été tuée hier en commune de Gitaramuka de la province Karusi. L'auteur du crime, un jeune de 24 ans, a été appréhendé par la police. Et en actualité africaine et sous-régionale, le Rwanda ouvre une enquête sur une vingtaine d'officiers français soupçonnés d'être impliqués dans le génocide de 1994 dans ce pays. Voilà pour les grandes articulations. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je venais de vous le dire, l'Assemblée nationale du Burundi est en train d'étudier ce mercredi en séance plénière un nouveau projet de loi portant organisation de la police nationale. Le ministre de la Sécurité publique explique donc pour le gouvernement ce nouveau projet de loi, je vous l'avais dit. Mireille Kanyang est à Kigobe pour nous, elle est en ligne. Mireille, pourquoi ce nouveau projet de loi a été envoyé à l'Assemblée nationale ? Oui, Jean Bosco, ce nouveau projet de loi portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale a été envoyé à l'Assemblée nationale dans le souci de résoudre le problème de chevauchement observé entre la structure de l'administration centrale du ministère de la Sécurité publique et celle de la Direction générale de la police nationale, comme l'a indiqué le ministre burundais de la Sécurité publique. Ce nouveau projet de loi, c'est également pour corriger les erreurs de forme et d'éviter des confusions dans la dénomination des différents services de la police nationale. C'est également pour harmoniser le corps de la police burundaise avec ceux des autres pays de la communauté est-africaine. Ah oui, Mireille, concrètement, quelles sont les innovations apportées par ce nouveau projet de loi ? Oui, les principales innovations, Jean Bosco, c'est qu'il y a introduction d'un commissariat de formation à côté des trois autres commissariats, à savoir le commissariat de police intérieure, le commissariat de la police de l'air et des frontières PAF et le commissariat de la police judiciaire. Une autre innovation, c'est que ce projet de loi prévoit l'autonomie de gestion de la police nationale du Burundi. Ce nouveau projet de loi prévoit également la gestion quotidienne de la police nationale par un inspecteur général de la police en harmonisation avec les autres corps de police de la communauté est-africaine. Une autre innovation, Jean Bosco, non moins importante, c'est que l'organisation et le fonctionnement de l'Institut de police seront déterminés par un décret présidentiel, comme l'a souligné le ministre burundais de la Sécurité publique. Merci Mireille. Donc à vous entendre, à la fin des débats, ce nouveau projet de loi sera voté par les députés. Combien y sont-ils et quel est le forum exigé ? Oui, Jean Bosco. Oui, le quorum, merci. Le quorum, c'est les deux tiers des parlementaires. Normalement, les parlementaires, ils sont à 121. Il s'est présenté 92, dont les deux tiers, ça veut dire 62 parlementaires pourront approuver ce nouveau projet de loi. Merci Mireille, en direct depuis l'hémicycle de Kigobe. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. L'Union européenne dénonce l'attentat meurtrier qui a failli coûter la vie à Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence de la République du Burundi en charge des questions de presse, d'information et de communication. À travers une déclaration locale rendue publique ce mardi, cette organisation fait remarquer que cet attentat reflète la persistance d'un climat de violence au Burundi, caractérisé par de nombreux meurtres et disparitions forcées, et rappelle que toute violence politique, quelles qu'en soient les auteurs et les formes, est inacceptable. Pour l'Union européenne, seule une solution politique à travers un dialogue inclusif permettant la sortie de crise est susceptible de restaurer un climat apaisé au Burundi. Elle réitère son soutien à la facilitation menée par l'ex-président Mkapa. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les étudiants de l'Université du Burundi qui ont battu à mort leurs condisciples jeudi dernier ont battu grièvement une autre personne au début de cette semaine. Les accusants de vol doivent en répondre devant la loi. Telle est l'annonce du porte-parole de la police. Pierre Nguriki indique que c'est indigne pour les futurs cadres du pays de se faire justice. Il précise au même moment que l'enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces crimes, pour les traduire devant la justice. On l'écoute. L'enquête va commencer pour pouvoir identifier les étudiants auteurs de ces vices pour qu'ils puissent répondre de leurs actes, parce que c'est un comportement que la police ne comprend pas pour des gens, futurs intellectuels qui étaient supposés être responsables et qui vont assurer le respect des lois plutôt pour les autres. On est étonné de voir un comportement pareil chez eux. Ils savent bien que lorsque quelqu'un est appréhendé en train de commettre une infraction, il doit être appréhendé puis conduit chez les autorités compétentes, qui est la police ou la justice. Mais on ne peut pas lui sanctionner soi-même. C'est interdit par la loi. C'est pourquoi ceux qui ont battu ces deux personnes grièvement, jusqu'à ce que l'une meure, doivent en répondre conformément à la loi. Devant la justice, l'enquête va les rechercher et puis les traduire devant la justice, comme on le fait pour tous les criminels. Eux, ils vont répondre dans les actes, des tentatives d'assassinat et d'assassinat d'ailleurs, et tandis que le voleur, lui, il va être poursuivi pour vol. Pierre Nguriki est porte-parole de la police. La police qui est indexée à Rumonge, où certains habitants des quartiers Mugomere et Virimba de la ville de Rumonge dénoncent la lenteur de la police de Rumonge dans l'identification des auteurs des croix dessinées sur leur maison. Il y a 2 semaines, le commissariat de police à Rumonge informe que ces enquêtes peuvent être parfois longues. Correspondance de Jean-Pierre Misako. 2 semaines environ viennent de s'écouler que des inconnus aient dessiné des croix sur une trentaine de maisons et clôtures des quartiers Virimba et Mugomere de la ville de Rumonge, comme le dit Egide Nionizeye, chef de quartier Virimba, confirmé par la police à Rumonge. Certaines parmi les personnes ciblées, qui sont exclusivement des membres des partis d'opposition, disent ne pas comprendre pourquoi l'administration et la police semblent ne pas être préoccupées par leur situation et voudrait qu'elle soit élucidée dans l'optique de les tranquilliser. Le chef de secteur Virimba dit avoir informé ses supérieurs hiérarchiques et la police, et son rôle ne s'arrête que là. Interrogé à ce sujet, Opestin Andonassie Manakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, informe qu'il s'agit d'actes de terrorisme et que la police s'active pour identifier les auteurs et les traduire en justice. S'agissant de cela, qui estime lente les enquêtes judiciaires avec une seule arrestation dans les 2 semaines. Le commissaire provincial de police à Rumonge dit qu'ils doivent comprendre que les enquêtes peuvent parfois durer plusieurs jours. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et une femme de 90 ans de la colline Ngayane, en commune Gitaramuka de la province Karusi, a été tuée hier vers 10h du matin. Elle a été tuée par un jeune de 24 ans qui a été appréhendé par la police et se trouve actuellement au cachot du commissariat de police de Karusi. Blaise Pascal Karanoumier pour les détails. Cette vieille maman de 90 ans répondait au nom d'Onha Nyungu de la colline Ngayane, commune Gitaramuka de la province Karusi. Cette mère a été tuée hier à la maison par un jeune de 24 ans à coups de poignard à la gorge et à la tête, et cela vers les heures de 10h du matin, comme l'indique la police du commissariat de Karusi. L'administrateur communal de Gitaramuka et les responsables de la police disent qu'elle aurait été tuée pour des accusations de sorcellerie. Le présumé assassin du nom de Irakoze Noé a été arrêté par la police et il se trouve au cachot du commissariat de police de Karusi. Au moment de son arrestation, ce jeune garçon s'est transformé en un fou, mais cette folie est niée par la police et parle plutôt de ruse. Il signale que certains habitants sur place ont témoigné que ce garçon de 24 ans n'était pas fou. Signalons qu'il venait de se passer seulement 2 semaines quand notre maître est connu à Dihogazi, à la colline Luyaga, où un homme avait tué sa femme à coups de machette. Depuis Karosi, place Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des mesures de réglementation seront prises pour l'exploitation et la vente des minerais de la province Kirundo. C'est l'annonce faite par Melchior Nangwahombaye. Il est gouverneur de cette province. Il affirme que les caisses provinciales ne sont pas bien alimentées à cause de la mauvaise gestion qui caractérise cette exploitation. L'autorité de réglementation de la vente des minerais appelle ses vendeurs à utiliser les comptoirs pour la bonne marche des activités. Alida Naikeza pour les détails. L'exploitation et vente illégale des minerais se remarque dans la province de Kirundo. Parfois, les propriétaires des terrains sont manipulés par les exploitants. Melchior Nangwahombaye, gouverneur de Kirundo, fait savoir que des sanctions seront infligées à ces personnes qui font de l'exploitation illégale. Que celui qui fait toute exploitation minière sans permis ou sans document relatif, qu'il est irrégulier, qu'il est voleur, celui qui se trouve dans ces conditions doit d'ores et déjà passer au niveau du cabinet provincial pour montrer les permis relatifs pour qu'il puisse continuer à faire cette exploitation. Les sanctions sont claires, on utilise le code pénal. Je pense que celui qui est attrapé, nous allons nous y atteler pour qu'on puisse punir sévèrement pour protéger le patrimoine de notre patrie. Le directeur de l'Office burundais des mines trouve qu'il serait mieux que les commerçants créent des comptoirs pour faciliter l'achat et l'exportation des minerais. Jean-Claude Ndouayo. Peut-être quand on dit des comptoirs, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Dans le domaine des mines, quand on parle des comptoirs, ce sont des endroits où on achète des minerais. Ce sont ces comptoirs qui ont le droit d'acheter et d'exporter ces minerais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est d'ailleurs, on fait appel vibrant aux commerçants d'en créer plusieurs. Parce que maintenant, nous sommes à peu près à 5 et tous les 5 se trouvent à Bujumbura. Seul un comptoir se trouve à l'intérieur du pays. C'est un défi, oui, mais nous dirions que c'est la cause de la fraude. Parce que les minerais qui doivent être exportés, ce ne serait pas un problème de les faire arriver à Bujumbura. Les minerais qui sont exploités à Kirundo figurent la cassitérite, la wolframite et l'or. Merci Alida. Des artisans burundais ont besoin de formation en rapport avec la communication et le marketing pour qu'ils puissent bien tisser des liens et échanger avec d'autres artisans de la sous-région et même du reste du monde et ainsi se faire inviter dans différentes expositions, ventes et foires. Selon Annick Kabatesi, artisan qui produit des habits traditionnels améliorés, les artisans burundais ont des talents inestimables qu'il faut soutenir. Christian Savier. Des artisans venus de la région de l'Afrique de l'Est, surtout le Kenya, dominent ceux du Burundi dans des expositions, ventes et des foires organisées à Bujumbura. Le ministère en charge de la culture pense appuyer et soutenir les artisans du Burundi pour qu'ils puissent tailler leur place dans la sous-région, comme le dit le ministre Jean Bosco Hitimana. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Nous avons des talents, nous avons de bons artistes au pays. Alors nous comptons au niveau du ministère les soutenir moralement, financièrement et tracer un bon cadre de développement de la culture burundaise. C'est notre grand souhait, c'est notre préoccupation au niveau du ministère. Oui, l'objectif ultime c'est de la grande promotion de la culture burundaise pour qu'on développe ce qu'on peut appeler un tourisme culturel pour qu'on puisse récolter des dividendes par rapport à cet aspect-là. Annick Kabatesi est une jeune artisan qui produit des habits traditionnels améliorés. Elle accueille chaleureusement l'idée du ministre, mais soulève quelques inquiétudes. C'est génial, mais le problème qui est là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une école pour avoir d'autres opportunités de connaissance des langues, une leçon de commerce. Les artisans ont besoin de formations diverses pour des connaissances commerciales, des langues, si organiser des événements, de sortir du pays pour exposer les produits, comme le Kenya amène les produits artisanaux chaque fois au Burundi. Pour récolter l'argent du Burundi, il faut que les artisans du Burundi aussi puissent sortir leurs produits pour faire entrer les monnaies de valeur, de s'adapter aussi, de chercher dans d'autres pays, aussi inciter les écrivains de suivre les artistes, ce qu'ils fassent pour les écrire, pour les éclaircir, pour que les étrangers puissent acheter ce qu'ils connaissent. Si je parle ici, l'habit, un focus, l'image qu'il y a dans le monde pour les faire connaître. Sachez que l'objectif du ministère est de mettre en place un grand centre qui regroupe les artisans venus de toutes les provinces du Burundi pour que les touristes puissent trouver les produits du Burundi sur une même place et pouvoir acheter. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez dans le monde. En Colombie, les deux boîtes noires de l'avion qui transportait 77 passagers, dont les joueurs d'une équipe de football brésilienne, ont été retrouvées mardi près de la ville de Medellin, au Rwanda. Kigali ouvre une enquête sur 20 officiers français soupçonnés d'être impliqués dans le génocide rwandais de 1994. Et au Gabon, ce matin, c'est ouvert dans la capitale Libreville. Un sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale où d'importantes décisions sont attendues. Gildas Ruberingabo. En Colombie, l'avion avec 77 passagers à bord avait décollé de Santa Cruz en Bolivie pour se rendre à Medellin. Les opérations de recherche et de secours ont permis de retrouver 71 victimes et 6 survivants selon l'unité nationale de gestion des risques et catastrophes après un bilan revu à la baisse. Selon le site web de France 24, lors d'un appel d'urgence dans la nuit du 28 au 29 novembre, le pilote avait fait état de panne électrique. Les conditions météorologiques étaient très mauvaises lorsque le crash s'est produit lundi soir vers 22h15 près de Medellin dans le nord-ouest de la Colombie. De fortes pluies ont d'ailleurs compliqué l'accès des secours au site dans une zone montagneuse et boisée. L'avion transportait l'équipe de football de Chapecoense, formation du site du Brésil. Il y avait également à bord 21 journalistes brésiliens. Et au Rwanda, le procureur rwandais Richard Muhumuza a annoncé avoir ouvert une procédure qui vise 20 personnes qui, d'après les informations recueillies jusqu'à présent, sont tenues par l'organe de poursuite judiciaire de permettre de mieux comprendre leur rôle et de décider si elles seront poursuivies ou non. Comme on le lit sur le site web de Africa News, les attentes du Rwanda sont que la justice française collabore à l'établissement de la vérité. A l'inverse, la justice française a prétendu une responsabilité du Front patriotique rwandais FPR, le parti du président rwandais Paul Kagame, dans l'attentat contre le président Habyarimana. Et enfin, au Gabon, selon Alain-Claude Billy Binze, ministre gabonais de la communication et porte-parole du gouvernement, le sommet de Libreville sera consacré à la paix et à la sécurité, notamment la situation en Centrafrique et les attaques de Boko Haram au Tchad et au Cameroun. Comme on continue de le lire sur le site web de BBC Afrique, l'opposition gabonaise souhaite que les travaux du sommet se penchent également sur la crise post-électorale au Gabon. Elle souhaite que les violences qui ont suivi la réélection d'Ali Bongo soient évoquées. Les chefs d'État qui ont pris part à la rencontre de ce sommet sont entre autres le chef d'État de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de la République de Centrafrique, du Tchad et de Sao Tomé et Principe. Merci Gilda, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la charpente avant de nous séparer. Un nouveau projet de loi portant organisation de la police burundaise est sous analyse ce mercredi à l'Assemblée nationale. Et l'Union européenne dénonce l'attentat meurtrier qui a failli coûter la vie à Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence de la République du Burundi, et rappelle que toute violence politique, quelles qu'en soient les auteurs et les formes, est inacceptable. Des habitants de certains quartiers de Rumonge accusent la police de traîner dans ses investigations pour identifier qui dessine des croix sur leur maison. Et une vieille femme de 90 ans a été tuée hier en commune Gitaramuka de la province Karuzi. L'auteur du crime, un jeune de 24 ans, a été appréhendé par la police. Et en actualité africaine, le Rwanda ouvre une enquête sur une vingtaine d'officiers français soupçonnés d'être impliqués dans le génocide de 94 dans ce pays. Il est 13h14 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.